L'endroit du pique-nique est idyllique. Une grande prairie au bord d'une petite route étroite bordée d'une colline boisée. Alors, la bande, vous venez ? Dans ce sac, il y a des sandwichs au fromage, dans l'autre au salami. Et voilà des tomates. Et qu'est-ce qu'on boit en Auvergne ? Du coca, dit Daniel et il se met à ricaner. De l'eau minérale, mon vieux, réplique Luc. Bon, continue Alex, voilà votre réserve d'eau. Mais moi, je ne veux pas d'eau, je veux du coca, se plaint Daniel. Et moi, un diabolo grenadine, ajoute Thierry. Désolé, il y a seulement de l'eau, insiste Alex. Oh non, peste Daniel. Finalement, Alex sourit, va au car et rapporte une grande caisse de bouteilles de coca, d'orangina et de limonade, et des bouteilles de grenadine et de menthe. Tout le monde est content. Alors, bon appétit. Qu'est-ce qu'il y a dans cette corbeille-là ? Demande Daniel. Attendez, une surprise, promet Alex. Quand les jeunes ont fini leur sandwich, Alex retire la serviette. Des myrtilles toutes fraîches apparaissent. C'est bon, dit Daniel. Vous avez encore 3 quarts d'heure. Vous pouvez faire ce que vous voulez, jouer au foot, vous détendre, mais ne quittez pas la prairie. Je ne veux pas vous chercher,